كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام ما يتعلق بالسحور، فضل السحور. من يذكر من فضائل السحور؟ parmi les mérites, les bienfaits du sahur. نعم، أنه سنة وتطبيق السنة فيها خير وبركة. كذلك مخالفة اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يصومون ولا يتسحرون، كما في حديث عبد الله بن عمرو: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. الحديث اللي في صحيح مسلم كذلك. نعم، تقوية البدن، سفصلت تجوني، لأن celui qui لا يتسحر فربما خاصة أنتي la journée elle peut être longue. زيد. نعم، الذكر والدعاء في هذا الوقت، لأن وقت السحر c'est le dernier tiers de la nuit. Et on avait cité حديث أبي هريرة في فضل هذا الوقت، أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيقول: من يدعوني فأستجيب له. السحور سواجب مستحب، ما الدليل؟ ما الدليل على استحبابه؟ تسحروا فإن في سحور بركة. نعم، تسحروا، لكن قد يقول قائل: تسحروا سان نغض. Pourquoi vous dites que c'est recommandé? تسحروا سان نغض. Et la base dans les ordres, c'est l'obligation. تسحروا. Et dans l'autre hadith, فلا تدعوه. Et ne le délaissez pas. Pourquoi on a dit أنه c'est recommandé? لأن إجمع أهل العلم أولا que c'est recommandé. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم et certains compagnons, comme on va voir الإمام عبد الغني المقدسي إلى cité مسألة الوصال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إلى cité حديث أبي سعيد، إلى cité كذلك des autres. Et on verra cette مسألة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم et certains compagnons, ils ont déjà fait الوصال. Et ils ont jeûné au minimum deux jours de suite, donc même la nuit. Même la nuit, ils n'ont pas mangé. Donc, ils n'ont pas pris le repas du sahur. Ça serait une obligation. Ils ne l'auraient pas délaissé. Donc, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné et il l'a délaissé, ça montre que c'est mustahab, c'est recommandé. Et on verra, masalat al-wisal, est-ce que c'est recommandé, amla. Al-wisal, c'est de sans interruption. Tu jeûnes lundi, tu commences lundi au fajr, matalan, et tu manges que le mardi, au maghrib. Donc tu as jeûné lundi toute la journée, lundi toute la nuit, mardi toute la journée, tu coupes. Hada, on verra cette mas'ala inshallah. Ala kulli hal, c'est mustahab bil ijma'. Wa al-yawm naqra hadith Anas ibn Malik an Zayd ibn Thabit. Qala al-Imam al-Hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayhi an Anas ibn Malik an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma qala: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد رضي الله عنه: قدر 50 آية. الحديث إليه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. سلفظ البخاري. دونك سو حديث الحافظ المقدسي رحمة الله عليه لا cité après حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. pour te montrer le moment du sahur, à quel moment tu prends ce repas et jusqu'à quand tu as le droit de manger. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام صح عمدة الأحكام قال: فيه دليل على استحباب تأخير السحور. donc السنة الأفضل c'est de retarder السحور، لأن في الحديث entre الأذان et bien sûr c'est الأذان الثاني، الأذان أي طلوع الفجر، أي الأذان tu dois faire صلاة الفجر، et السحور il y avait 50 أو la durée de 50 versets. Et معلوم أن 50 versets c'est peu. réciter une certaine vitesse, ça peut aller un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Le temps, il est court. Ça montre que c'est vraiment la fin de la nuit. قال فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريب على تأخير السحور وتقريبه من الفجر. Enfin, plus il est retardé, mieux c'est. On va voir jusqu'à quand. لكن على كل حال, à la fin de la nuit, c'est mieux que au milieu de la nuit. ومن الأدلة كذلك على استحباب تأخير السحور, on peut citer حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي أي مع أهلي. Il mangeait, il prenait le repas du sahur chez lui. ثم تكون بسرعة على أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il prenait le repas du sahur, ثم il se précipitait pour faire salat avec le Nabi عليه الصلاة والسلام. Ça montre que les sahaba رضي الله عنهم, ils prenaient ce repas à la fin de la nuit. Après la fin de la nuit, ils se préparaient pour faire salat al-fajr. Et après ce repas, ils se préparaient pour salat al-fajr. C'est ça, waqt al-sahur. Baqiya akhir waqt al-sahur. Et quand est-ce qu'on n'a plus le droit de manger? C'est le premier moment du siyam. Akhir waqt al-sahur, c'est awwal waqt al-siyam. Il va arriver un moment, tu n'auras plus le droit de manger et tu devras jeûner. Al-siyam. Yahrum al-ta'am. والشرب والجماع بطلوع الفجر الثاني. C'est interdit de manger, de boire ou d'avoir des rapports avec sa femme après الفجر الثاني. Et si le fajr il est apparu, الفجر الصادق, on n'a plus le droit de manger, de boire, etc. Et on rentre dans la période de siyam, et cette période كما تقدم, c'est une ibada لله عز وجل, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit certaines choses. Et il y a plusieurs adillah على هذا. منها قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية المشهورة في سورة البقرة كلوا واشربوا حتى يتبين. Ça, ça montre أنه il faut que le fajr il apparaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a comparé le fajr à un fil, الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Et sahih, dès que tu vois le fajr sadiq s'est levé au fond de l'horizon, dès que tu regardes, tu vois que le ciel il est, c'est encore la nuit, mais dès que le fajr rentre en sadiq, t'as comme un fil blanc. Et le jour il s'est levé, il commence à se lever. Cette période t'as plus droit. Wa fi sahihayn an Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل. Donc le premier adhan que le muadhinoun y font, ce qu'ils appellent la sunna, il fait encore nuit. Ce adhan il ne t'empêche pas de manger. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال نعم فإنه يؤذن بليل. Donc ça montre que tant qu'il fait nuit, tu as le droit de manger. C'est quand il fait plus nuit, quand le fajr as-sadiq s'est levé. Attention, ne pas confondre avec le soleil. Il y a une différence entre le fajr et le soleil. Amma tulu' ash-shams, ce qu'ils appellent ash-shuruq, c'est une heure après le fajr. Là, nous on parle tulu' al-fajr. Et ce fil blanc qui apparaît ou que le soleil va se lever, est le début de la journée. Wallahi alhamd hada. في بلاد المسلمين partout c'est connu الآن l'heure du fajr ولله الحمد. أما si le مؤذن, on a déjà cité cette مسألة, أما si le مؤذن il fait الأذان, et on va lire كلام الحافظ, si le مؤذن il fait الأذان avant الفجر, أي un quart d'heure, 20 minutes par précaution comme ils disent, ففي هذا الحال t'as le droit de manger. لأن العبرة c'est بقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. يتبين لكم. Le muadhim, s'il avance, précaution, ce qu'il appelle, on va voir que c'est une bid'a. ما تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في هذا الحال, t'as le droit de manger. فالعبرة, c'est بالوقت. Si le muadhim, il applique le وقت, on respecte. S'il applique pas le وقت, في هذا الحال, t'as le droit de manger. Et ça c'est قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم. Aïe, que tu as le droit de manger jusqu'au fajr, al-sadiq. Ça c'est qawl jamahir ahli al-ilm min al-sahaba, et c'est qawl al-a'imma al-arba'a, al-imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et là, t'altafit ila khilaf hada al-qawl. Ce qui contredit hada al-qawl, c'est un qawl shad, da'if. Les mukhalafatihi li hadihi al-adilla al-wadiha, wallahu a'lam. Fal-adilla wadiha, que tu peux manger jusqu'au fajr. Amma ma nuqila ani al-ba'd, anna tu peux manger jusqu'à que le soleil se lève, ou jusqu'à qu'il fait totalement jour. جاءت بعض الأقوال لكن سيدي أقوال شاذة ضعيفة أما النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré quand est-ce qu'on peut manger quand est-ce qu'on ne doit plus manger الآية واضحة فلا يجوز الحذر الحذر de suivre الأقوال الشاذة ils ne sont pas fondés sur l'adilla même si c'est un grand imam ce grand imam c'est un mujtahid il a pu se tromper il peut se tromper Il peut oublier un hadith qui ne lui est pas parvenu. On n'a pas le droit de délaisser qawl a'immat al-islam avec des adillas wadihah pour un qawl shad. Enfin, c'est pour ça que les ulama al-salaf mettaient en garde contre le ghara et détestaient ça. Et une mas'ala est claire et chercher un point, même si c'est un imam qui l'a dit, un point étrange. Mais de la hadith mas'ala, manger jusqu'à que le soleil s'est levé. Tu vas trouver des aqwal fi hadha. Lakin c'est des aqwal da'if. الحق وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس ابتلوا بهذا ils aiment bien les choses étranges j'ai trouvé un قول فلان il a dit mais il y a beaucoup d'aqwal لكن l'essentiel c'est pas les aqwal l'essentiel c'est قول الحق et قول الحق il est fondé sur آيات سورة البقرة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نعم فالحذر الحذر من تتبع الغرائب فالسلف يدتست هذا السلف يزمي بيان الحق الواضح ثم الانتخبتاسيون دو سيغتان أو لا كومبرانسيون دو سيغتان سيال خالف الحق قول أئمة الإسلام قول السلف كي سون فوندي سور الكتاب والسنة فلا لا تلتفت إلى هذا نحن نسبر فير دي زيفور أبليكي لي شوز واضحة المجمع عليها أصول الإسلام فالحمد لله Amma perdre son temps à rechercher des qawl étranges, al-gharaib, ça c'est pas min al-tawfiq, c'est pas min manhaj ahli sunnati wal jama'a. Baqiya mas'ala annahu idha adhana al-mu'adhdhin wal ina'u fi yadik, si al-mu'adhdhin fi l'adhan, et tu as quelque chose dans la main. Tu as un verre, tu bois ou tu manges. Est-ce que tu continues ou tu délaisses? جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء أي الأذان والإناء على يده الإناء c'est un récipient un verre أو autre أي de la nourriture أو une boisson فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه أي qu'il ne délaisse pas cette chose tu poses pas ton verre ou cette cuillère ou cet aliment que tu as dans les mains jusqu'à que tu es fini. Al hadith akhrajahu al imam Ahmed wa ghayru. Lakin ce hadith il est mu'all. Hada al hadith il est mu'all. A'allahu na'am ibn Abi Hatim. Fa Sheikh Muqbil rahmatullah alayh il a cité ce hadith fi ahadith mu'alla. Zahiruha as-sihha. Il a cité cette mas'ala الشيخ محمد ابن حزام فنقرأ قال إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك الواجب الإمساك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إذن الفرسي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دونك سساء الواضح أما الحديث حديث أبي هريرة il est mu'al الشيخ مقبل الله ضعف أما بقي المؤذن وإذا كان المؤذن يؤذن ولم يتيقن طلوع الفجر فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن نعم لأن الأصل بقاء الليل أما سن المؤذن Il est connu en où il avance la dame, comme ils font certains. Ce qu'ils appellent al-imsak, ou 5 minutes al-ihtiyat, ou de sécurité. Tout ça, c'est pas, ça fait pas partie de notre dîme. Les Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré la limite. Tolou' al-fajr. Si le fajr est apparu, le mu'adhdhin fait la dame et tout le monde arrête de manger et tout le monde fait salat. C'est ça al-wadih. Amma si y a un doute, est-ce qu'il reste 2 minutes, est-ce qu'il reste 3 minutes, al-mu'adhdhin, est-ce qu'il a fait à l'heure? Si t'as les doutes, délaisse les doutes. Délaisse les doutes, akhil karim. Si t'arrêtes 2 minutes avant, 3 minutes avant, fais la chaye, allez. Lakin avoir l'aqid, annahu c'est obligé d'arrêter, même si l'heure, elle n'est pas encore arrivée, comme ils font ahlul jahl al-an, ahlul bid'a kadhalik, fahada, ça ne fait pas partie de notre deal. Fafarqun. Amma al-an, on est dans un endroit, on ne sait pas. Est-ce qu'il reste 3 minutes, 4 minutes, on n'est pas sûr? Et t'es pas obligé de manger jusqu'au fajr. Il faut bien comprendre. Et on a hadith Anas, hadith Zayd, entre leur sahur et as-salat, ou l'adhan, et le fajr al-thani, 50 versets. 50 versets, c'est un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, si t'arrêtes avant, tayyib. Lakin, obliger les gens, bel faire l'adhan avant l'heure, hadith, c'est une moncibe. Qala al-hafid ibn Hajar, رحمة الله عليه من البدع أي في فتح الباري من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان نعم 20 minutes avant, un quart d'heure avant, 10 minutes, une demi-heure. Tout ça c'est من البدع. Pourquoi? Parce que notre دين الله سبحانه وتعالى il a limité cette chose. Et tu peux manger jusqu'à tolou' al-fajr. Pourquoi faire la dan avant? Qala wa itfa' al-masabih allati ju'ilat 'alama li tahrim al-akl wa ash-shurb 'ala ma yurid 'ala man yurid as-siyam za'man mimman ahdathahu annahu lil-ihtiyat fi al-'ibada. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est min bab al-ihtiyat. Al-ihtiyat, c'est ne pas prendre de risque. Qala al-hafiz wa qad jarrahum dhalik إلى أنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب حتى pour le maghrib ils font ça et pour l'iftar الآن بعضهم يفلدان bien après que le soleil s'est couché قال فأخروا الفطر donc ils ont retardé le fitr وعجلوا السحور ils ont avancé le sahur alors qu'ils peuvent le retarder وخالفوا السنة نعم كما سيأتي معنا الدليل فلذلك قل فيهم أو قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. Et c'est une cause que le bien, ceux qui font ça, le bien, leur bien il a diminué et le mal il s'est propagé en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم سبب بالأمر الهين السهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Les gens ils seront sur le khair tant qu'ils se précipitent à rompre leur jeûne. Pourquoi mettre cette marge 10 minutes après le maghrib et 10 minutes ou un quart d'heure avant le fajr? Là, en fait, c'est mashaqqa linnas. Les gens ils vont plus jeûner du fajr jusqu'au maghrib avant le fajr jusqu'après le maghrib, alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les gère. قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه لان كلام نفيس في شرحه على عمدة الاحكام عند هذا الحديث قال ومرادهم في هذا الاحتياط اي pourquoi ils prennent le sahur bien avant et ils retardent le maghrib. قال ومرادهم في هذا الاحتياط. الاحتياط, ne pas prendre de risque. ولكن غلطوا في ذلك وشرعوا ما لم يأذن به الله. Elle est là la gravité. C'est une erreur. Pourquoi? لأن ils ont rajouté une chose في الدين que Allah il a pas cité, il a pas légiféré. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le premier jour de Ramadan, si on compte les heures, Allah il nous a ordonné de jeûner, faire siyam du fajr jusqu'au ghurub shams, on va dire ça fait à peu près 10 heures. Les 10 heures ils sont obligatoires. C'est Allah qui les a ordonnés. Haoula, avec leur rajout, on va jeûner si on les suit 10 heures et 20 minutes, ou 10 heures 30. Ces 20 minutes, ces 30 minutes, c'est un ajout fidinillah. Qui c'est qui nous a ordonné? C'est pas Allah. Et on n'a pas le droit de suivre ce qui contredit la religion d'Allah. Vous avez compris la gravité? Qala fal ihtiyat ittiba' af'alihi sallallahu alayhi wa sallam wa shara'i'ihi. C'est ça l'ihtiyat. Tu veux ne pas prendre des risques dans ton din, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ajib anna ha'oula, ils prennent soi-disant à l'ihtiyat, ils prennent pas de risques pour pas annuler leur jeûne, et quand tu leur montres des sunan clairs, des choses qui sont liées au tawhid et au shirk, وبعضهم, ils ne donnent pas beaucoup d'importance à hada. Al-ihtiyat ne prend pas de risque en adorant Sidi Fulan ou un wali. Ne prend pas de risque en suivant autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne prend pas de risque en faisant passer le nationalisme ou la majorité ou l'imam intel il a dit avant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu dois délaisser si tu ne veux pas faire du mal à ton din. Amma appliquer sunna, il n'y a aucun risque. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim, il est kerim. Donc, à sahour, j'ai le droit de manger jusqu'à tulu' al-fajr, et dès que le soleil s'est couché, j'ai le droit de manger. Pourquoi faire du mal aux gens en rajoutant? Qala falaw kana hadha al-amr khayran la sabaquna ilayhi. Ta'ammal hadha al-kalam. Si ça serait un bien, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait dit, il faut faire l'imsak 10 ou 15 minutes avant. كذلك الغروب attendez là كذلك الصحابه ils l'auraient fait. Pourquoi Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu il mangeait chez lui et il se précipitait pour faire salat avec Nabi sallam? Non, il aurait attendu 15 minutes ou 20 minutes avant, il n'aurait pas besoin de se précipiter. Alors on va suivre qui, la compréhension de sahaba ou la compréhension de haoula al-juhal? Wallahu ta'ala wassa'a fi as-siyam wa sahhal. Sahih, Allah subhanahu wa ta'ala c'est rahamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas dhiq alayna. Il nous a imposé, ordonné une chose, et en plus, on doit faire bien avant. Là. Wa li hada lam yaqul hatta yatla' al-fajr. C'est une faïda had. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, qala, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum. Allah, il a pas dit hatta yatla' ou yatla' al-fajr. Vous avez compris? Qala, Cheikh Sa'di, ay yattadih wa yatayqad. Ou wa yatayqad. Et c'est que le fajr, c'est clair, tu n'as aucun doute qu'il est apparu. On revient à la masala si tu as un doute. Et celui qui a un doute, s'il veut arrêter avant, la manière. Lakin, tu as le droit de manger tant que tu n'es pas sûr que le fajr, il n'est pas vu. Ça contredit leur qawl de imsak. L'asl, c'est quoi l'asl? C'est qu'il fait nuit. Il faut un dalil pour que le jour il soit arrivé. Le dalil, c'est tolu' al-fajr. Tant qu'il fait nuit, tu as le droit de manger. Ah, là, ils ont khalif tout ça. Et ils se sont fait du mal. Al-an, c'est dur, ba'dhum. Na'rif al-ba'd, min al-awam, il a soif. Il reste 20 minutes, une demi-heure pour siyam. Matalan, al-fajr, on va dire, c'est à 5h du matin. Il est 4h30, 4h40, et ils ont soif. Et ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire. Et s'ils boivent, et elle est là la gravité, et c'est pour ça que pour eux, cette période, c'est devenu min al-siyam. S'ils boivent, c'est comme s'il avait annulé son jeûne. Et il est réprimandé, et il est... Alors qu'il reste une demi-heure. Il a le droit de boire, il a le droit de préparer. Ce temps-là, une demi-heure, tu as le droit de préparer un repas, tu as le temps. Tu le prépares en 10 minutes et tu manges pendant 10 minutes, alhamdoulilah. Lakin, c'est comme ça. Celui qui délaisse le sunnah, il se fera du mal. Imma, il va tomber dans le laxisme. Wal'iyadu billah. Imma, il va tomber fi at-tashaddud. Al-ghulu. Et ça, c'est min al-ghulu fi ad-din. Qala al-Sheikh Sa'di, hatta annahum ja'alu imsakiyat Ramadan. Imsakiya li Ramadan, ce qu'ils appellent l'imsak, hatta dans les calendriers. Là. Ces calendriers, c'est pas la révélation, mais Rabb al-Alamin. Ces calendriers, kathir minha, c'est fait par Ahlul Bid'a wa Dalal wa Ahlul Jahl. Ils rajoutent des choses. M'tabihu ces calendriers. Surtout, c'est devenu des calendriers pour faire da'wah. Chaque groupe, chaque secte, ils ont un calendrier, ils appellent à leur afkar. Falhadr. Ces calendriers, souvent, derrière la page des heures, il y a des paroles. Ahyanan, ba'dhum, c'est des hadiths, tayyib, c'est des hadiths sahihs. Lakin, ba'dhum, il y a des afkars. Des afkars, ou des adresses, des écoles, des masajides qui appellent au shar. Falhadr min had. Et ces calendriers, vu que beaucoup, c'est pas fait par ahlul ilm, par des gens de science, tu trouves al-imsak. Imsak, c'est le fajr. T'as le droit de manger, tu dois t'arrêter jusqu'au Fajr. Bin nas al-aya. Amma imsak 20 minutes avant une demi-heure avant, min ayn hada. Na'am, fa hada kalam al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi min sharhihi ala 'amdat al-ahkam. Baqiya ma yahsul bihi as-suhur. Ay, il faut manger quoi au minimum pour avoir la récompense, la baraka du sahur. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: السحور بركة فلا تدعوه. تقدم معنا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ولو ينغرجدو ولو أن بدو. قال ابن قدامة رحمة الله عليه الحديث طبعا إلى حسن إلى ثابت. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني وهكذا الحافظ ابن حجر في الفتح: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. L'essentiel, tant que tu as mangé un peu ou tu as bu un peu. L'essentiel, tu as avalé quelque chose. C'est ça l'essentiel. Dans ce cas-là, tu es considéré avoir pris as-sahour. لكن, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, قال في كتاب الصيام: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. نعم, أما celui qui a la capacité de manger facilement, c'est afdal, c'est sunnah. Alors, quand on dit sahur, c'est que tu manges. Ce n'est pas qu'une gorgée d'eau. Lakin, celui qui prend que cette gorgée d'eau, tamam, il est considéré avoir bu, il a bu avant le fajr, et ça, c'est considéré comme sahur. Lakin, al-afdal, c'est de manger. C'est de manger. Kama taqaddam ma'ana li fawa'id. Ay, ça va t'aider pour le siyam. Si la journée est longue, tu auras besoin. Donc, manger et boire, c'est ahsan, wallahu a'lam. Hada ma yata'allaq bi as-sahur. Fa an-nasiha, c'est de s'organiser et de se lever avant de manger, et ce waqt il est nafi', il est tayyib. T'en profites pour manger, t'en profites pour lire le Coran, t'en profites pour faire as-salat si t'as pas fait, t'en profites pour faire ad-du'a, c'est muhim. Et ma yata'allaq bi al-iftar, on le citera plus tard, Cheikh Al-Imam Abdel Ghani Al-Maqdisi, il a cité des hadiths l'Iftar, et on citera tout ce qui est lié à l'Iftar. On lit le hadith suivant. Qala Al-Hafiz Abdel Ghani Al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, wa an Aisha wa Ummi Salama, radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlih. ثم يغتسل ويصوم. Un tertib tayyib, l'ordre de l'imam Al-Maqdisi rahmatullah alayhi fi 'Umdat al-Ahkam, kitab siyam ila tayyib. Après avoir cité le sahour, et t'as mangé l'al, al-fajr il est apparu, tu peux un jour être dans cette situation. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر, et des fois, et il est en état de janaba. Pourtant, le fajr, sadiq, le mu'addin, il a fait l'adhan. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était encore en état de janaba, et il n'avait pas fait le ghusl. Et il avait commencé le siyam. Le siyam, on a dit, c'est tolu al-fajr al-sadiq. Il n'avait plus le droit de manger et boire. Lakin, il n'avait pas encore fait le ghusl. Le hadith, il est fi sahih al-Bukhari, ou fi sahih al-Muslim. Et le lafd qu'il a cité, l'imam al-Maqdisi, fi 'Umdat al-Ahkam, c'est lafd al-Bukhari. Qal al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, fi sharhihi, ala 'Umdat al-Ahkam. ففيه أنه لا بأس بالصيام عليه غسل ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. Donc, il y a aucun mal. مثلا الأذان c'est à 5 heures. طلوع الفجر c'est à 5 heures. المؤذن في الأذان à 5 heures. الإنسان il est en état de janaba. Il est 5h05, 5h10. Il est encore en état de janaba. Yassoum, il n'a pas le droit de manger et boire. Dans ce cas-là, vu qu'entre l'أذان, طلوع الفجر et salat, il laisse du temps. 20 minutes, 25 minutes. Fafi Adel Hal, tu fais le ghusl, thumma, tu vas au masjid faire le salat. Fafi Adel Hal, ton siyam, il n'y a rien de mal. Tu n'as pas annulé ton siyam, abadan. Liana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Qala fala khilaf fi dhalik idha kana sababuhu l'ihtilam. Amma l'ihtilam, on va voir cette masala. L'ihtilam, c'est khuruj al-mani inda an-nawm. Naam. Et le liquide, il sort, lakin, c'est pas. Il n'a pas eu de rapport avec sa femme. Là, il dormait. Fafi hadal hal bil ijma'. Même si ça lui arrive en pleine journée, bil ijma' anna son siyam il est sahih. Pourquoi? Parce que ce n'est pas volontaire. C'est comme celui, on va voir, qui n'a pas mangé volontairement. sans faire exprès, il a mangé son siyam, il est sahih, il continue. Lakin al-an, notre sujet, c'est, il a eu des rapports la nuit, et avant le fajr, il y en a pendant Ramadan, c'est interdit, et il n'a pas fait le ghusl pour plusieurs raisons, et ça arrive. L'adhan, et il n'a pas encore fait le ghusl, il est dans l'état de janab. Qal wa amma idha kana bil qasd, fa kana fihi khilaf, bayna as-sahaba. Il y avait un khilaf entre les sahaba, on va voir qu'il y a Abi Huraira. Lakin ba'da dhalik ittafaqu ala annahu la ba'sa bi dhalik. Abu Huraira radiyallahu anhu, il est revenu sur son qawl. On va lire al-hadith en entier. قال ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ والحديث صريح في أنه لا بأس بذلك. نعم. الحديث il est واضح. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait. أبو هريرة il est revenu sur ce قول. Et si reste un خلاف, c'est un خلاف شاذ. أما عامة أهل العلم il montre que c'est autorisé. بل بعضهم ربما نقل الإجماع. On lit حديث أبي هريرة جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول. Il disait avant من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم وهو في صحيح البخاري ومسلم نعم أي موقوفا سلا بقول أبو هريرة كي ديزي هذا لكن جاء في صحيح مسلم دونك لا بقول أبو هريرة اللي في الصحيحين لكن في صحيح مسلم الإمام مسلم إلى غطقتان وتحديث أن عبد الرحمن بن الحارث أخبر أبا هريرة رضي الله عنه بقول عائشة وأم سلمة عبد الرحمن بن الحارث il est parti voir Abu Huraira et il lui a cité le hadith qu'on a lu min amdat al-ahkam anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub wa lam yaghtasil thumma yafzal ghusl et bien sûr il était saim et il faisait salat. Donc Abd al-Rahman ibn al-Harith il a rapporté ce hadith à Abu Huraira. Fa qala Abu Huraira, Abu Huraira après avoir entendu ce hadith, qala ahuma qalata lak, est-ce que Aisha et Salama ils t'ont dit hada? عبد الرحمن بن الحارث قال نعم قال هما أعلم. ça montre التواضع الصحابة et ça montre أنهم ils s'arrêtaient si un hadith, si un délit. Abu Huraira quand il a su que Aisha wa Salama elles ont rapporté هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit رضي الله عنه هما أعلم. pourquoi il a dit هما أعلم? parce que tous les hadiths ou la plupart des hadiths, tout ce qui concerne le janaba et Rusul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vécu ces choses, c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anna, ces femmes, elles vivaient avec lui. C'est pour ça tous les hadiths de Rusul, la plupart c'est Aïcha. Elle rapporte qu'elle a fait le Rusul avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte qu'elle lui a emmené pour se sécher, etc. Tous ces hadiths que tu trouves dans le Kitab al-Tahara, la plupart c'est an azwaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Huraira, il sait qu'elles ont plus de ilm que lui dans ça. Limadha li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait, il était avec ses femmes. Les sahaba ils n'étaient pas là. Donc Abu Huraira il a dit huma a'lam. Ça te montre que si quelqu'un il a un ilm que tu n'as pas et il te cite la source, tu reviens à son qawl. Même si tu as plus de ilm que lui, même si tu es plus ancien que lui, même si tu as plus étudié que lui, s'il a un délil, tu reviens à son qawl. Thumma qala Abu Huraira après hada sami'tu dhalik min al-fadl kana huna al-fadl ibn Abbas wa lam asma'hu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira thumma il a dit ce que j'ai dit. Celui qui, après le fajr, il est en état de janaba, il ne fait pas le jeûne, il ne fait pas le siyam. Abu Huraira, il a entendu de le fadl, il n'a pas entendu de le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le hujja, c'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est qu'Umm Salama et Aisha, elles ont rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le contraire. Donc, Abu Huraira a raja'a an hada al-qawl. Après cela, Abu Huraira, il est revenu et il disait que c'est le siyam, il est valide et c'est sahih. Anzur maskal khitam. Il a cité hadith mas'ala en détail. Fa'ida, pour rapport à cette mas'ala, donc vous avez compris, elle n'a celui qui, après al-fajr, c'est le waqt de siyam, lakin il est en état de janaba, fa'fi hada al-hal, son siyam, il est sahih. Lakin il fait le ghusl, bien sûr, lana il doit faire salat al-fajr. Mas'alat al-ihtilam, ça ta'ti ma'ana. Baqi, il y a une mas'ala qui ressemble à celle qu'on vient de citer. المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر. La même مسألة, لكن la femme qui a eu ses règles, ses menstrues, الحيض, مثلا, le فجر c'est à 5h du matin. À 4h du matin, ou 3h30, مهم, avant le فجر, cette femme elle a plus ses règles. طهرت من الحيض. Donc elle est plus considérée حائض. في هذا الحال, salat al-fajr, elle doit la faire. elle va faire le qusr, elle va faire salat al-fajr, et la journée de siyam, elle doit faire siyam. Baqiya, si elle n'a pas fait le qusr seulement après le fajr, comme al-junub, celui qui est en état de janaba, il a fait le qusr 5 minutes, 10 minutes après l'adhan. Si cette femme, elle fait pareil, elle est en état de pureté, mais elle ne s'est pas encore lavée, et il a fait l'adhan, et 5, 10 minutes après, elle fait le qusr. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنوب سواء. C'est exactement comme le junub. Donc في هذا الحال si elle fait le ghusl 5-10 minutes un quart d'heure après le fajr son siyam il est bon, لكن à partir du fajr elle ne mange plus, elle ne boit plus, et si elle fait le ghusl à la tarde في هذا الحال ولا شيء عليها, son siyam il est صحيح. قال ويشترط, avec une condition bien sûr, أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر. Première condition, c'est que bien sûr, il n'y a plus d'écoulement de sang après le fajr. Il faut qu'elle soit en état de pureté. Quand on dit en état de pureté, elle n'a plus ses règles avant le fajr. Ça c'est clair. On a donné l'exemple, Mathalène, à 4 heures du matin, son cycle, c'est elle n'a plus ses règles. Donc une heure avant, même 5 minutes, elle mourit avant le fajr. قال لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم. أما si un écoulement pendant la journée après le fajr, même un peu, elle est considérée حائض, et الحائض لا يجوز لها الصيام. Deuxième condition, ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه. كذلك c'est qu'elle mette النية avant le fajr, comme on a vu, الصيام الواجب, t'es obligé d'avoir النية avant le fajr. قال لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. Et on a vu cette masala. T'es obligé d'avoir une niya avant le fajr. Est-ce que c'est toutes les nuits ou ça suffit avant Ramadan? On avait dit sahih, c'est une fois avant Ramadan. Lakin, vous vous rappelez qu'on a dit s'il y a une coupure, voyage, maladie, ou la femme a ses menstrues, al-hayd, fafiyad al-hayd, c'est une obligation de remettre une niya avant le fajr. Donc cette femme, elle doit avoir l'intention elle doit avoir l'intention. Et on répète, l'intention, c'est pas une phrase, c'est pas, il n'y a rien à faire. L'intention, c'est dans le cœur, elle compte faire le siyam après le fajr. ثم الإمام ابن قدامة il a rapporté un khilaf. قال الأوزاعي والحسن ابن حيي أو ابن حي وعبد الملك ابن الماجشون والعنبري. Tous ceux-là, ils ont dit تقضي, elle rattrape ce jour. أي, si elle n'a pas fait le ghusl, elle rattrape ce jour. Pourquoi? لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة. Pourquoi? Parce que pour eux, celle qui est en état de menstrue, qui a ses règles, elle n'a pas le droit de jeûner, contrairement à celui qui est en état de janaba. مثلاً, celui qui dort, ce qu'on appelle l'ihtilam, et il se réveille et le liquide il est sorti, on va voir l'ijma, il se lave et il continue son jeûne. أما la femme, si elle dort et elle se réveille et elle trouve un écoulement de sang, elle n'a pas le droit de jeûner. Vous avez vu la différence? Là, ils ont dit هذا. لكن في الحقيقة كلام الإمام القدامى, vous allez voir, il est قوي. قال ابن قدامى ولنا أنه حدث يوجب الغسل فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة. نعم, ابن قدامى son قول c'est صحيح. Et c'est quoi la plupart des savants? L'imad, l'an, après le fajr, la femme, elle n'est plus en état de haïd. Elle n'a plus le haïd. Faqat, elle a retardé le ghusl. Il y a une différence. Naam. Comme l'homme, il retarde le janaba. Ou la femme, kadalik. Fait le haqiqa, le qiyas, il est bon. Ce qui a été retardé, c'est le ghusl. Amma, le haïd, elle n'est plus en état de haïd. Qala ibn Qudama, rahmatullah alayhi, wa ma dhakaruhu la yassih. فإن من طهرت من الحيض ليست حائضا. Elle n'est plus en état de, tu peux plus dire que c'est une حائض, أي elle a le حيض. Là, لأنه انقطع الدم. Il manque une chose, c'est le غسل. فلا retardé, comme celui qui retarde le janaba, فلا شيء عليها. Et الأفضل, c'est si elle le fait avant, طيب, pour sortir de ce خلاف. لكن قول الصواب, c'est قول الإمام ابن قدامة et قول أكثر الأئمة. قال وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنوب. نعم, أما elle doit faire le ghusl parce qu'elle doit faire salat al-fajr et siyam, أما siyam il est sahih. C'est ça al-sawab, والله تعالى أعلم. بقي احتلام الصائم, on finit ce hadith, l'explication de ce hadith avec sa dernière masala, احتلام الصائم Aïssi dort, bien sûr, fait nahar, amma la nuit, tu n'es plus en état d'océan. S'il dort, et il se réveille et il trouve, à cause d'un rêve ou autre, un liquide. Qala, ou, l'ulama naqalu l'ijma, annahu, son siyam, il est sahih. La yaftur bidalik. Aïe, son siyam, il n'est pas annulé bil ijma. Naqalahu ibn Abdelbar, fi tamhid. ونقله الإمام النووي في المجموع وشيخ الإسلام في شرح كتاب الصيام انظر إتحاف الأنام إلى ستة cette مسألة donc l'unanimité des savants que son صيام il est pas annulé pourquoi parce qu'il dort c'est pas volontaire donc في هذا الحال dès qu'il se réveille il يغتسل bien sûr pour faire salat et il continue son jeûne. هذا والله تعالى أعلم. On a fini ما يتعلق بحديث عائشة وأم سلمة. Le prochain hadith, من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. كذلك, ça montre celui qui oublie et qui ment. Et à partir du prochain hadith, inshallah, on essaiera de détailler ما يتعلق بالمفطرات, ce qui annule le jeûne. Ce qui annule et ce qui annule pas. Il y a des choses, بعض الناس, ils pensent que ça annule et ça annule pas. مثلا, celui qui mange par oubli. من نسي وهو صائم فأكل. Il a mangé, il a oublié qu'il jeûnait. Fafi hadha al-hal, Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala falyutim sawma. Il continue de jeûner. Hakadha, celui qui al-ihtilam et il dormait. Il n'a pas fait exprès, ce n'est pas volontaire. Fafi hadha al-hal, il continue son jeûne. Et, inshallah, on essaiera de citer al-muftira, ce qui annule al-siyam. Hayyakumullah. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.